Il y a une exception à la règle de formation du temps des longueurs. J'étais du verbe être se dit ero du verbe essere. Ero. E-R-O. Ero. J'étais. Alors, par exemple, comment dirait-on « J'étais ici hier soir » Ero qui ieri sera. Sera, oui. Ero qui ieri sera. Mais ce n'était pas prêt. Ma era Ce n'était pas prêt. Ma non era. Era, non era. Ma non era. Oui, ce n'est qu'au futur qu'on insiste sur la fin du mot. Ma non era pronto. Ma non era pronto. Ero qui ieri sera, ma non era pronto. Tu se dit tutto. T-U-T-O. Tutto. Avec deux T qu'il faut prononcer bien distinctement. Traduisez alors « Tout était prêt pour vous ce matin ». Commencez par dire « Tout était prêt pour vous ». Tutto era per lei. Tout était prêt pour vous. Tutto era pronto per lei. Ce matin. Je sais que nous n'avons pas encore vu cette expression, mais elle est facile à deviner quand on sait que ce soir se dit stasera. Donc ce matin, c'est sta... Ah, stamattina. Stamattina. Tutto era pronto per lei stamattina. Maintenant, vous allez me traduire une phrase un peu plus longue. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas le faire hier parce que j'étais très occupée toute la journée. Mi dispiace. Mais. Ma. Je ne pouvais pas le faire hier. Non puovo farlo. Comment dites-vous je ne pouvais pas? Il faut partir de l'infinitif du verbe. Vous savez quel est l'infinitif? Le verbe pouvoir, n'est-ce pas? Potere. C'est ça. Donc, je pouvais. Potevo. Vous voyez que vous y arrivez? Reprenez. Je suis désolé, mais... Mi dispiace, ma... Je ne pouvais pas le faire hier. Non lo potevo ieri. Je ne pouvais pas le faire hier. Ah, pardon. Mi dispiace, ma non potevo farlo ieri. C'est ça. Non potevo farlo ieri. Mi dispiace, ma non potevo farlo ieri. Parce que j'étais très occupée toute la journée. C'est un homme qui parle, donc il dira... Perché? Perché? Perché ero... Bien. Perché ero molto occupato ieri. Ah, toute la journée. Tutto la... Tutta la. Oui, ou bien tutto il. Tutto la giornata. Non, non. Dans ce cas, c'est tutta. Tutta. Donc, je reprends. Perché... J'étais très occupée toute la journée. Ero molto occupato tutta la giornata. Bien. Tutta la giornata. Toute la journée. Non potevo farlo ieri perché ero molto occupato tutta la giornata. Ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est que au lieu de tutta la giornata, on peut dire aussi tutto il giorno, mot à mot, tout le jour. Maintenant, supposons que c'est une femme qui parle. Comment diriez-vous « Je voulais y aller avec vous hier, mais je ne pouvais pas le faire parce que j'étais très occupée. » Volevo. Volevo. Andare. Andare, c'est aller. Et y aller se dit andar. Andarci. andarci. Avec vous hier. Volevo andarci con lei ieri. Oui, volevo andarci con lei ieri, mais je ne pouvais pas le faire. Ma non potevo farlo. Parce que j'étais très occupée. Perché ero molto occupata. Bien. Volevo andarci con lei ieri. Je voulais y aller avec vous hier. Ma non potevo farlo. Mais je ne pouvais pas le faire. Perché ero molto occupata. Parce que j'étais très occupée. Volevo andarci con lei ieri. Ma non potevo farlo perché ero molto occupata. Occupata pour une femme et occupato pour un homme. Et comment diriez-vous maintenant? Elle était occupée. Era occupata. Bien, era occupata.